بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا وقراءتنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان الحسنات يوم القيامة وبعد ما زلنا في دراسة قول المصنف رحمه الله في السبب الثاني لما قال واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعان إلى شيئين أحدهما ظنهم بالله ظن السوء والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سودا وخلقهم عبثا إلى آخر الكلام. Donc on continue inchallah sur notre lecture du livre et cette œuvre de l'auteur Taqiyuddin al-Maqrizi rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Et donc on est toujours dans l'explication et la lecture du passage, lorsqu'il a cité les deux causes concernant l'émergence de dérives et de doctrines. Et il dit ces deux causes, la première, leur mauvaise pensée envers le Créateur, et la deuxième, le fait qu'ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Une traduction rapprochée et relative. Et ça, c'est les deux causes, comme il dit. Les jami' et tawa'if al-dalal wal bid'ah. Pour toutes les doctrines, innover, les innovations et les tendances innovatrices qui ont émergé, les deux causes, comme il cite, celles qu'on vient de citer et de mentionner. Et on est toujours en train de discuter autour de traiter la deuxième. Et l'auteur a mentionné des exemples, nous expliquant, clarifiant, mettant en lumière le sens, le fait de ne pas estimer le Créateur à sa juste valeur. Et donc on est arrivé dans une explication ou le détaillé de cela lorsque l'auteur dit وَلَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ نَفَى رَحْمَتَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَرِضَاهُ وَغَضَبَهُ وَحِكْمَتَهُ مُتْلَقًا حَقِيقَةَ فِعْلِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِعْلًا اِخْتِيَارِيًا بَلْ أَفْعَالُهُ مَفْعُولَاتْ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ. Et donc hier, on avait terminé la dernière assise sur l'explication de cette parole. Ensuite, il dit وَلَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ جَعَلَ لَهُ صَاحِبَةً وَوَلَدًا أَوْ جَعَلَهُ يَحِلُّ فِي مَخْلُقَاتِهِ أَوْ جَعَلَهُ عَيْنَ هَذَا الْوُجُودُ أَوْ جَعَلَهُ عَيْنَ هَذَا الْوُجُودُ. Alors ensuite, l'auteur dit, il va citer un autre exemple pour clarifier le sens et non pas estimer Allah à sa juste valeur. Le fait, par exemple, comme on a dit hier, on s'était quitté sur cela, dans le passage précédent, il a dit le fait de nier, et c'était le sens de sa parole lorsqu'il dit, et n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur, ceux qui ont nié sa miséricorde, son amour, sa satisfaction, le fait qu'il agrée, son agrément, sa colère, sa sagesse, n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Ceux qui ont renié en quelque sorte, comme vous avez pu voir, des attributs parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc là, il sous-entend al-ta'til, wa nufat al-sifat. Ceux qui ont nié al-mu'attila, ceux qui ont nié les attributs, les noms sublimes et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, à travers la négation des attributs d'Allah Azza wa Jal, comme on a appris, il y a le fait de ne pas, la cause c'est qu'on n'a pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Pour qu'on puisse suivre le fil de l'explication. Ensuite, il dit, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur aussi, ceux qui lui ont attribué un descendant, un enfant, ou une compagne, ou يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. Et là, les mots qu'utilise l'auteur ici, donc il y a des sous-entendus, comme vous pouvez vous apercevoir à travers la parole de l'auteur, il y a des sous-entendus. Donc, lorsqu'il dit, et le fait de lui attribuer une compagne, une épouse, ou bien un enfant, c'est ne pas avoir estimé le Créateur à sa juste valeur. Et ça, ici l'auteur sous-entend des communautés précédentes. Des communautés précédentes comme An-Nasara ou Al-Yahoud, qui eux ont attribué au Créateur un enfant. Mais aussi, il va sous-entendre ici ce qu'on appelle Ahlul Hulul, Al-Hululiyya. Al-Hululiyya, et il refait ici allusion à ce qu'on appelle Al-Wahdat Al-Wujud, les partisans de la doctrine Wahdat Al-Wujud, de l'existence unique, ce qu'on appelle l'existence unique. Et Al-Hululiyya, c'est ce qu'on appelle l'incarnation divine. C'est la doctrine liée à l'incarnation divine. Al-Hululiyya. Et donc l'auteur fait allusion à cela. Regardez lorsqu'il dit « Wala qadarahu haqqa qadri man ja'ala lahu sahibatan wa waladan » Sans nom. On vient de le citer. « Aw ja'alahu yahil fi makhluqatihi aw ja'alahu ayn hadha al-wujud » Ayn hadha al-wujud. Et cela, il veut dire, ce n'est pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Bimarna, lorsqu'il fait allusion à ce qu'on appelle Al-Hululiyya, c'est une doctrine qui est apparue, Al-Hululiyya, qui eux ont parlé de l'incarnation divine. C'est-à-dire que le Créateur, le Seigneur, s'incarne dans le vivant. C'est ça par rapport à la métaphysique. Et donc, l'incarnation de l'être du Créateur, du Seigneur, celle-ci, dans le corps de l'humain. Dans le corps de l'humain. Donc, Al-Hululiyya, c'est pas Wahdat al-Wujud. C'est pas Al-Hululiyya, l'incarnation divine, c'est pas la croyance qu'on appelle Wahdat al-Wujud. C'est la doctrine de Wahdat al-Wujud, qu'on traduit souvent par l'existence unique, par exemple. C'est autre. Eux, Al-Hululiyya, leur doctrine, eux, c'est l'incarnation divine. Comme on vient de le dire précédemment, c'est-à-dire, eux, ils ont cru, pensé en l'incarnation divine, c'est-à-dire que le Créateur s'incarne dans le vivant. Donc l'incarnation de l'être du Seigneur dans le corps humain, par présence métaphysique. Et donc, de ce fait, c'est cette doctrine qu'on appelle en arabe Al-Hululiyya. Al-Hululiyya. Et on a aussi Al-Ittihadiyya. C'est pour ça, souvent, vous allez voir la question posée aux savants entre la différence entre Al-Hululiyya, Al-Farq, Bayn Al-Hululiyya, Wal-Ittihadiyya. Ceux qui considèrent que Allah fi kulli makan, inda za'mihim, selon leur croyances et leurs prétentions. Alors qu'Allah Azza wa Jal, le vrai monothéisme, c'est de croire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala. Il s'est établi sur son trône. Il est au-dessus des sept cieux, subhanahu wa ta'ala. Huwa al-a'la. Il est au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala. Et ça, pour le musulman et la musulmane, pour nous les musulmans, c'est une croyance très importante. Pourquoi ? Parce que dans les premiers siècles, de grands imams disaient que celui qui ne croit pas en l'élévation du Créateur et que celui-ci, subhanahu wa ta'ala, est élevé, établi au-dessus de son trône, son tawhid n'est pas valable. Son tawhid, son unicité, son monothéisme n'est pas valable. Ar-Rahmanu ala l'arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Ma ma'na al-istiwa, al-istiwa ma'loum. Quel est le sens de l'istiwa? Comme a dit l'imam Malik, wa immatul ilm, wa immatul huda, les grands imams de cette nation, les grands théologiens depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui de cette nation, ils disent que le sens de l'istiwa ma'loum, il est connu. Pourquoi? Parce que le Coran est descendu d'une langue claire, explicite, d'une langue connue, que les Arabes comprenaient à l'époque. Donc lorsque les versets à l'époque du prophète, le Coran était révélé au prophète, et le prophète enseignait, récitait les versets aux compagnons, les gens de l'époque comprenaient. Pourquoi ? Parce que le Coran est descendu d'une langue claire et explicite. Et de ce fait, c'est pour cela que les sens sont connus. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, ce qui est inconnu pour nous, ce qui est majoul, c'est le comment. Ça, pour nous, c'est inconnu, comme on l'a bien explicité dans des assises précédentes. Donc, Allah, il est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et Allah est au-dessus de tout. Et d'ailleurs, d'autres versets sous-entendent et stipulent bien cela. Puisque Allah, azza wa jal, il dit qu'il a fait descendre le livre, « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » dans la nuit du destin, plus précisément, plus littéralement, la nuit de la valeur. Allah l'a fait descendre. Ça veut dire que Allah l'a fait descendre d'en haut. Allah l'a fait descendre d'en haut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que al-mala'ika ta'arruju al-mala'ikatu wal-ruh. L'ascension. Allah nous parle de l'ascension des anges. C'est-à-dire que as-su'ud, les anges montent. Ils montent vers où ? Vers le haut. Allah nous dit ilayhi tas'adul kalimu at-tayyib. Vers lui monte la bonne parole. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Vers lui monte la bonne parole. La bonne parole donc monte vers le haut. Subhanahu wa ta'ala. Sabbih isma rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur le très haut. Yadullu 'ala al-'ulu, sifatul 'ulu. Vous avez vu, tous ces passages prouvent l'élévation du Créateur subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit au sujet de Isa ibn Maryam, il dit bel rafa'u ilayh. Bel, mais plutôt Allah l'a élevé ilayh, vers lui. Donc le verset Allah l'a élevé vers lui prouve quoi ? L'élévation du Créateur subhanahu wa ta'ala, puisqu'il dit Allah dit, mais plutôt il l'a élevé Isa vers lui. Donc ça prouve aussi l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilul kitab min ar-Rahmani ar-Rahim. Hamim, tanzilul kitab min ar-Rahmani ar-Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyan liqawmin ya'lamun. Regardez, Hamim. Descente d'un livre venant du miséricordieux, le tout miséricordieux. Descente, tenzil. Descente, donc le livre descendu du haut. Donc si vous voulez, c'est pour ça que les savants disent que les preuves qui indiquent l'élévation du Créateur sont nombreuses. Jusqu'à ce que Sharih al-Aqidat al-Tahawiyya, il dit qu'il a recensé plus de 1000 preuves. C'est énorme. Concernant, indiquant, prouvant l'élévation du Créateur subhanahu wa ta'ala, qu'il est au-dessus de tout subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est, par exemple, des passages. Ce n'est pas tous les passages. Mais c'est certains passages tirés du Coran. Sans compter dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, un jour s'adressant à la servante, lui dit, « Aïn Allah ?» Elle lui dit, « Fis sama. Wa man ana ?»« Anta Rasulullah. » Il lui a demandé, « Où est Allah ?» Elle lui a dit, fils sa main. Et qui suis-je ? Tu es le messager d'Allah. Alors le prophète, ensemble, ensuite, a témoigné qu'elle était croyante. El-Muhim, c'est pour ça que de grands imams ont dit, pour la validité du monothéisme du croyant, la croyance au fait qu'Allah, Azza wa Jal, est au-dessus de tout. Ce qui, ici, annule la croyance de premièrement de la Hululiyya, de l'Ittihadiyya et de Wahdat al-Wujud. Et aussi la croyance de Wahdat al-Wujud. Al-Hululiyya, comme on vient de l'expliquer, al-Hululiyya, c'est ce qu'on appelle en français l'incarnation divine. Voilà, Iyadou Billah, qu'Allah nous préserve de ces pensées-là. La croyance de l'Ittihadiyya, c'est pour ça pour plus de détails, puisque c'est un sujet qui est long, mais pour plus de détails, référez-vous aux explications de grands théologiens spécialistes dans les questions de dogme et de croyances qui expliquent qu'est-ce que, en réalité, al-hululiyya ou al-ittihadiyya. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de questions qui sont posées autour de beaucoup de gens qui se renseignent sur ces sujets-là et qui demandent la différence qu'il y a entre al-farq bayna al-hululiyya ou al-ittihadiyya. Wa bayna al-ulama al-farq bayna al-hululiyya ou al-ittihadiyya. Et wahdat al-wujud, cette doctrine-là, c'est la croyance qu'on a expliquée dans des assises précédentes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entité unique ou bien l'existence unique. Eux, ils pensent que c'est la doctrine disant que le créateur et les créatures et ce monde ne font qu'un. Il n'y a qu'une existence. Il n'y a qu'une existence. Et c'est pour cela que certains, parmi les plus extrémistes, qui prônent ces doctrines-là, ils considèrent faussement que, par exemple, le créateur envoie, entre guillemets, de son essence et de sa lumière aux serviteurs dévots, saints, pieux et vertueux. Que certains serviteurs, des saints, des pieux, des vertueux, qui ont un certain rang, parmi eux, Allah Azza wa Jal peut leur envoyer de sa lumière et de son essence. Subhanallah. Voilà, yadu billah, qu'Allah nous préserve de ces doctrines. Et c'est ça ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation de ces doctrines-là, al-hululiyya. Al-hululiyya. Qala al-ulama. Kadhalika ma qadar Allah haqqa qadri man nafa anhu al-ulu wal-istiwa ala al-arsh. Pour cela, l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il le dit très bien. Tout simplement, n'a pas estimé le créateur à sa juste valeur celui qui nie l'élévation du créateur et le fait qu'il se soit établi sur son trône. Faites la différence entre les deux sifat. On a al-ulu, sifat al-ulu, l'attribut de l'élévation. Et on a sifat al-istiwa. Al-istiwa, l'attribut du fait qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé, s'est établi au-dessus de son trône. Al-ulama, min qadim al-zaman. Anciennement, vous pouvez même vous référer à l'explication lui-même de l'imam Mohammed ibn Ismail, qui était al-Bukhari. Mohammed ibn Ismail. Qu'ils expliquent que le terme al-istiwa, déjà dans les premiers essais, qu'ils expliquaient al-istiwa bimarna irtafa'a wa sa'ada wa staqar. Wa'ala. Il disait les quatre sens. L'istiwa, c'est dans le sens de s'élever. Istaqar, le fait de s'établir. Sa'ada, le fait de monter. Wa'akada ma'na l'istiwa. Et donc, l'istiwa, c'est un attribut, comme on avait dit, sifatun fi'aliyya. Puisqu'il y a des attributs qui sont dhatiyya, des attributs liés à l'essence, et l'entité même du créateur, il y a des sifat qui sont fi'aliyya, des sifat d'action. Al-istiwa, c'est un attribut d'action. Wa al-ulu, sifat al-ulu, c'est un attribut qui est dhati, min as-sifat dhatiyya, qui est lié à l'essence même du créateur. Donc Allah, wa al-ali, il est le plus haut, le très haut. Dans le sens, rien n'est au-dessus de lui, Subhanahu wa ta'ala. Et lui est au-dessus de tout. C'est pour cela que vous avez vu, même l'être humain fait partie de sa nature innée lorsqu'il est dans la détresse, lorsqu'il est dans une situation difficile et compliquée, lorsqu'il a besoin de son créateur, il se dirige vers le bas ou vers le haut. Il se dirige vers le haut. Comme la fourmi qui est mentionnée à l'époque de Souleyman dans le Coran, lorsqu'elle s'est mise sur le dos et a invoqué et en direction du haut. Et ça, vous avez, c'est encore des preuves. Des preuves qui indiquent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour cela que les savants disent que ceux qui réfutent mannafa sifat al-ulu wal-istiwa n'ont pas estimé le créateur à sa juste valeur. Subhanallah, c'est vraiment, ces paroles pour le croyant, c'est vraiment des paroles très pertinentes. Très pertinentes. Et c'est pour ça qu'Allah récompense ulama al-islam, وَإِمَّةُ الدِّينِ وَإِمَّةُ الْهُدَى. Que la récompense ces grands imams, ces grands savants, depuis les premières générations. مِنْ زَمَنْ الصَّحَابَ. L'époque des compagnons. L'époque de leurs disciples. فِي زَمَنِ التَّابِعِينَ. L'époque ensuite des grands imams. أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ. En l'occurrence, أَئِمَّةُ الْفِقْهِ. أئمة المذاهب الأربعة كالإمام مالك وقبله أبو حنيفة والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة العلم كالإمام الترمذي والإمام اللالكائي والإمام سفيان الثوري وابن عيينة وإسحاق et de grands imams de la nation qui depuis les premiers temps jusqu'à aujourd'hui إلى علمائنا المتأخرين depuis les premiers temps. Dès qu'une fausse croyance a commencé à émerger dans le monde musulman, ils ont écrit. Ils ont clarifié aux musulmans. Ils ont clarifié à la communauté. Et ils ont rédigé des livres. Et ils ont bayan al-haq wal-huda. Et jusqu'à aujourd'hui, près de 15 siècles, on peut apprendre, walillahil hamd, la croyance qu'a enseigné le prophète sallam. Et qu'ensuite que les compagnons enseignaient à leurs disciples. Jusqu'à ce que même ensuite des livres concernant la croyance à l'époque ont été écrits, comme on avait fait allusion à ça dans l'analyse précédente, avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire la parole qu'on a mentionnée de l'imam Malik. Des paroles qui remontent de grands imams, comme l'imam Shafi'i dans des questions de croyance. Ou Soufna ibn Uyayna. Ou Ibrahim al-Nakhai, le compagnon de Abdallah ibn Masoud. Et des compagnons jusqu'aux compagnons. Tout cela est mentionné bil asanid, avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire que vous pouvez faire des recherches, vous pouvez revenir à ces paroles qui sont attribuées à de grands imams concernant des questions de croyance, et vous verrez, vous pouvez même les vérifier, il y a des chaînes de transmission pour prouver ces dires. Pour prouver ces dires. Qala ash-shir, wa ja'alahu halan fi makhluqati, wa ja'alahu fi kulli makan. هؤلاء حلولية والعياذ بالله وهذا كفر أكبر لأنهم لم ينزهوا الله ولم يثبتوا له العلو والاستواء على العرش وجعلوه مختلطا بالخلق بل منهم من يقول إنه حل في المخلوقات وإنه حل في المسيح ابن مريم وفي الأولياء وفي الصالحين حتى يقول بعضهم ما في الجنة إلا الله والجنة التي يلبسها الله فيها كما يقولون ويزعمون تعالى عما يقولون هؤلاء حلولية وأشد منهم وأقبح أهل وحدة الوجود الذين يقولون الله في الموجودات جميعا وليس هناك خالق ومخلوق بل الله وجامع الموجود جميع الموجودات لا تقسم هؤلاء أهل وحدة الوجود وهم شر من الحلولية et là l'auteur de إفادة المستفيد. Donc il fait allusion à la Hululiyya, il explique justement ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc j'ai anticipé moi l'explication en français, comme ça vous pouvez comprendre ce que l'auteur dans le commentaire dit. Donc il explique, comme on l'a dit précédemment, la Hululiyya donc, c'est la croyance, la doctrine en l'incarnation divine. Et il explique la différence, comme on l'a dit précédemment, avec Wahdatul Wujud. Il dit que la doctrine Wahdatul Wujud est pire encore. Malgré le fait que la croyance en l'Hululiyya, les savants, les grands théologiens musulmans considèrent comme du kufr. L'Hululiyya, les grands savants musulmans considèrent cela comme du kufr. Mais ils disent là, la croyance en Wahdatul Wujud est pire encore. C'est pour cela qu'il fait allusion que certains pensent que le Créateur se sera incarné auprès de vertueux, d'hommes saints, auprès de prophètes. Il se sera incarné en eux. Walayadu billah. Alors que Allah, le Créateur, est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des sept cieux. Il est le plus haut, le plus élevé. Et tout ce qui est en dehors de lui fait partie de ce alam, de ce monde. Vous avez vu l'auteur du livre de Les Trois Principes lorsqu'il dit « Et moi je fais partie de ce monde ». Après je ne sais pas si l'auteur il réfute justement en disant cela. Nous quand on lit ça semble simple, mais est-ce qu'à travers cette parole il réfute وحدة الوجود والحلولية والله أعلم. Mais il stipule bien que tout ce qui est en dehors d'Allah fait, et ce alam fait partie de ce monde. Les créatures, nous, on fait partie de ce alam. Et Allah est en dehors de ce alam, de ce monde. Et l'auteur dit, et moi je fais partie de ce monde. Et nous ne faisons partie de ce monde. Mais Allah est au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala. Notre créateur est au-dessus de tout. Il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur dit, ثم قال ولا قدره حق قدري من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. Et là, c'est pertinent. La réflexion de l'auteur aussi, ici, est pertinente. Dans une traduction relative, rapprochée, regardez, l'auteur dit « Et n'ont pas aussi estimé à sa juste valeur ceux qui ont pensé qu'Allah a élevé les antagonistes du messager, c'est-à-dire de son messager. » Je vous traduis littéralement. Ensuite, on explique ce que sous-entend l'auteur. Alors, il dit, et n'ont pas estimé à sa juste valeur ceux qui pensent que les antagonistes de son messager et des siens, c'est-à-dire des proches et de la famille du messager, Allah les a élevés. وَجَعَلَ فِيهِمْ الْمُلْكِ. Et Allah a mis en eux la royauté, c'est-à-dire Allah il leur a donné le pouvoir. وَوَضَعَ أَوْلِيَا رَسُولِهِ. Tandis qu'il a rabaissé les alliés de son messager et des proches, c'est-à-dire du messager et des proches du messager. وَهَذَا يَتَضَمَّنُ غَايَةَ الْقَدْحِ فِي الرَّبِّ. Et dit, et ça sous-entend un dénigre extrême concernant le Créateur. Vous allez comprendre, qu'est-ce que sous-entend? Et il dit qu'Allah nous préserve de la doctrine des Rafidites. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça, c'est la doctrine de ceux qui ont fait de l'exagération et de l'extrémisme concernant les proches et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la doctrine de Rafida. Rafida ont été nommés comme ceci. En arabe, le terme littéralement veut dire ceux qui ont refusé. Ils ont refusé le règne de Zayd à l'époque. Le règne de Zayd, Rafida. Eux, c'était une doctrine liée à ce qu'on appelle Al-Ghulou, à l'extrémisme et l'excès. Eux ont prétendu un amour des gens de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Ahl-el-Bayt. Ahl-el-Bayt, c'est les gens, littéralement, de la demeure de la maison du prophète, c'est-à-dire sa famille. Sa famille. Ses petits-enfants, son épouse, son gendre, les gens de sa famille. Alors, certains, déjà dans les premiers siècles, à l'époque même, des compagnons, ont prétendu et revendiqué un amour extrême, Ahl-el-Bayt. Et donc, de ce fait, certains parmi les plus extrémistes ont dit que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir, le règne devait revenir à son gendre et cousin paternel Ali radiyallahu ta'ala an, devait revenir à Ali et non pas aux compagnons Abu Bakr, Omar ou Uthman. Et donc regardez ce qu'ils disent. L'auteur dit, ils n'ont pas estimé à sa juste valeur, le Créateur, lorsqu'ils ont pensé, parce qu'eux, ils ont prétendu ensuite, qu'Allah, donc, il a élevé les antagonistes de son messager et des proches du messager, c'est-à-dire les gens de la maison du messager. Lorsque Abu Bakr, Omar ou Uthman ont eu, selon leurs prétentions à eux, le pouvoir à la place de Ali. Parce que pour eux, celui qui devait avoir le khilafa, être successeur du prophète, c'était Ali. Donc, lorsque ils ont refusé le khilafa, la succession de Abu Bakr, de Omar ou Uthman, donc c'est comme si qu'ils considèrent donc qu'Allah a rabaissé les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui, pour eux, méritaient la succession après la mort du messager d'Allah, notre bien-aimé, que les prières et la bénédiction soient sur lui, et donc qu'il a élevé et donné al-mulk, la royauté, aux antagonistes du messager. Puisque c'est ça leur prétention. C'est ça leur prétention. Et là, l'auteur dit, en fait, en pensant cela, donc, ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Est-ce que ça, vous l'avez compris? C'est clair? Tout le monde a compris? Taïb. C'est-à-dire que, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife, les califes, ce qu'on appelle Al-Khulafa, il y a eu 4 califes de l'islam. Le premier était Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Ali. Ce sont les 4 califes de l'islam. Et il y a un consensus, une unanimité sur l'ordre et sur la légitimité de leur califat et de leur succession. Qu'ils sont les successeurs. Calife, en termes littéraux, on peut traduire par successeur. Ce sont les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que Ali, qui était gendre et cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le quatrième calife. Nous l'aimons. Il fait partie des quatre califes. Il fait partie des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le premier successeur, c'est Abu Bakr. Et nous aimons Ahl al-Bayt, nous aimons les gens de la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les épouses du prophète sont nos mères. Et nous aimons Al-Hassan ou Al-Hussein, Sayyidan, min Ahl al-Jannah, deux maîtres parmi les jeunes du paradis, min Shababi Ahl al-Jannah, parmi les jeunes du paradis, nous les aimons. Sauf que on ne les élève pas au degré de seigneur ou de prophète. Comme ils ont été élevé. Donc vous avez compris un peu ce qui a été sous-entendu. Et donc l'auteur dit, le fait de penser donc que le règne donc des compagnons n'était pas légitime, et donc Allah a donné, a prédestiné le règne à ceux qui n'étaient pas légitimes, et donc sont devenus successeurs du prophète, et considérés que c'était en réalité des antagonistes, c'est qu'ils n'ont pas estimé le Créateur à sa juste valeur. Comme il dit, وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين. Et ça, il dit, c'est, ça dérive de la parole de communautés précédentes. Lorsque certains ont pensé que le Créateur a mis la prophétie auprès d'un roi injuste. Je vous traduis littéralement. Ceux qui ont pensé que le Créateur a mis la prophétie. أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة. فَدَّعَا النُّبُوَّةَ وَكَذِبَ عَنَ اللَّهِ وَكَذَبَ عَنَ اللَّهِ وَمَكَثَ زَمَانًا طَوِيلًا يَقُولُ أَمَرَنِي بِكَذَا وَنَهَانِي عَنْ كَذَا وَيَسْتَبِحُ دِمَاءَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَأَحْبَابِهِ وَالرَّبُّ تَعَالَى يُظْهِرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ وَيُقِيمُ الْأَدِلَّةَ وَالْمَعْجِزَاتِ عَلَى صِدْقِهِ وَيُقْبِلُ بِقُلُوبِ الْخَلْقِ وَأَجْسَادِهِمْ إِلَيْهِ ويقيم دولة على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. Là, l'auteur fait allusion, je ne sais pas si vous avez compris à la première lecture, c'est une réflexion très pertinente lorsqu'il dit. Il sous-entend ici ceux qui ont prétendu que le prophète Mohammed était un imposteur. Voilà, yadou billah, qu'Allah nous en préserve. Et donc, ceux qui ont nié sa prophétie, c'est comme s'ils sous-entendent que le Créateur aurait envoyé un roi, donc, qui après va détenir une certaine un certain pouvoir, wada'an nubuwa, et celui-ci va prétendre la prophétie, donc il va parler au nom du Créateur, et donc pour eux, ils considèrent qu'il parle au nom du Créateur, et ce qu'il dit au nom du Créateur n'est pas vérité, et qu'il va rester un grand laps de temps en propageant des choses sur le Créateur qui ne sont pas vraies, en disant « le Créateur m'a commandé telle et telle chose et m'a interdit telle et telle chose », en prétendant des choses, et que celui-ci ensuite, ses prétentions vont se répandre dans le monde. Et que le Créateur va laisser cela. L'auteur veut dire que ça, ce n'est pas estimer le Créateur à sa juste valeur. Ce n'est pas estimer le Créateur à sa juste valeur. Et d'ailleurs, vous allez le comprendre dans le commentaire. L'auteur de Ifadatul Mustafid, il dit « Yu'anouna Muhammadan ». Ce qui est sous-entendu dans cette revendication, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed. Yaqulun Mohammed malikun zalim, wa laysa bi rasul. Ya subhanallah. Et donc, ceux qui n'ont pas cru en sa prophétie, donc, c'est comme s'ils prétendent que le Créateur va laisser un homme parler en son nom, prétendre que le Créateur lui ordonne des choses, lui commande des choses, lui interdit des choses, et que celui-ci ensuite, son message va se répandre dans le monde entier sans que le Créateur ait le pouvoir de nier ou de réfuter. Ça, c'est avec mes mots à moi pour qu'on comprenne la thèse. C'est pour ça qu'il cite cet exemple en disant « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِي ». Ça, c'est ne pas estimer le Seigneur à sa juste valeur. C'est ne pas estimer le Seigneur à sa juste valeur. Et ça, c'est prouvé dans le Coran. Cette prétention-là, Allah fait allusion à cette prétention. Et les gens qui n'ont point cru disent « Tu n'es pas un envoyé ». Dans le Coran, dans le verset Ar-Ra'd, le verset 43, Allah nous dit, ceux qui ne croyaient pas au prophète Mohammed, ils disaient « Tu n'es pas un envoyé, toi ». قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Et là, Allah Azza wa Jal dit au prophète de dire quelque chose. Subhanallah. Regardez. Lorsque Allah informe le prophète en disant que, et certains qui ont mécru disent que tu n'es pas un envoyé. Allah lui dit au prophète, Sam, dis. Il va lui dire de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va lui dire de dire ? Regardez la réponse qu'Allah lui dit de dire. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Subhanallah. Dis-leur, Allah me suffit comme témoin. بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. Entre vous et moi. Entre moi et vous. Allah me suffit comme témoin. C'est-à-dire que le Créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, informe le prophète qu'il y en a qui disent que tu n'es pas envoyé. Allah enseigne et éduque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui enseigne qu'est-ce qu'il doit répondre. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devait répondre ? Qul kafa billahi shahida. C'était la réponse que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devait dire, qu'Allah azza wa jalla lui a dit de dire. Allah me suffit comme témoin entre moi et vous. Comme témoin. Ainsi que celui qui a la connaissance du livre. Ainsi que celui qui a la connaissance du livre. Yani, quel est le sens de cela ? Allahu shahid ala hada shay. Wa yu'izuhu wa yansuru. C'est-à-dire qu'Allah est témoin. Et donc, à la finale, pour voir, est-ce que vraiment le prophète Mohammed était véridique, on verra, dans le sens, est-ce qu'Allah va l'assister, l'appuyer, le secourir ? Vous verrez. Est-ce qu'Allah va l'assister, le secourir et l'appuyer ? قال يعني أي الله شاهد على هذا الشيء يعيزه وينصره وهذا ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. Celui qui pense qu'Allah n'allait pas secourir son serviteur, son élu, alors c'était une mauvaise pensée envers le Créateur. Et on voit qu'ensuite le Créateur, notre Seigneur, a secouru le prophète et l'a assisté, l'a appuyé et lui a donné le succès dans son appel. Et c'est pour cela que, parmi les preuves aussi, on voit que, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont revendiqué la prophétie. Il y en a qui ont prétendu être prophète. Il y en a, déjà même à l'époque, à la fin de l'ère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son âge, à la fin, un homme avait prétendu la prophétie. Celui qui a été appelé ensuite Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab. Il est appelé Musaylama al-Kadhab. C'est lui qui avait envoyé une missive, une lettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « J'ai été envoyé comme toi. » Et en lui proposant, en lui demandant qu'ils allaient se partager la terre en deux. Une partie pour lui et une partie pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lui, Musaylama, lorsqu'il envoie son message et la lettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit de Musaylama, messager de Dieu, messager d'Allah, à Mohammed, messager d'Allah. Donc, il confirme que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui, que notre prophète était bien l'envoyé d'Allah, et il lui dit, moi aussi, je suis un envoyé comme toi. Et nous allons nous partager la terre en deux. Une partie pour toi, une partie pour moi. Donc déjà, on voit qu'il n'avait pas compris la fonction d'un prophète et d'un messager. Puisque les prophètes et les messagers ne revendiquent aucunement des biens mondains. Et leur appel n'est pas pour l'acquisition et l'obtention des biens mondains. Une partie de la terre ou le pouvoir sur terre, ce n'est pas ça. Ils appellent les gens en leur transmettant la parole de leur créateur. Et en aucun cas, ils cherchent de salaire ou de rétribution à cela. Donc on voit que Musaylama était un opportuniste. C'était un opportuniste qui convoitait des biens terrestres et des biens mondains. Et on avait fait allusion dans une assise précédente, la réponse, l'immense réponse est magnifique et merveilleuse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la réponse d'un messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne polémiquait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait vraiment avec al-wahi, avec la révélation. Avec la révélation. Et le prophète lui a cité un verset, un passage du Coran, qui était lié au prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Et le prophète lui a cité le verset qui dit dans une traduction relative, certes, Allah fait hériter sa terre à qui il veut. Tout simplement. Allah fait hériter cette terre à qui il veut parmi ses serviteurs et la finalité sera pour les pieux. Voilà la réponse. C'est un passage du Coran. Immense réponse. Subhanallah. Une merveilleuse réponse qui est magnifique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Une autre personne aurait pu vouloir se disputer. Imaginez-vous le prophète à l'époque. Lorsque Musaylama al-Kadhab apparaît, comme on l'a dit, c'est vers la fin de la révélation. Et donc, toutes ces années que le prophète ensemble a enduré, toute la période mécoise, ou que le prophète ensemble il a enduré, les torts, les préjudices, les tortures de son peuple, les insultes, les injures de son peuple, tout ce que le prophète et les compagnons ont enduré toutes ces années à la Mecque. Ensuite, tout ce que le prophète sallam a enduré les premières périodes à Médine. Imaginez-vous, c'est des années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché pendant 23 années. Les 13 premières années, c'est ce qu'on appelle la période mécoise, et les 10 autres années, c'est la période médinoise. Toutes ces années que le prophète sallam a enduré. Regardez l'épisode, par exemple, où il a connu un blocus pendant 3 ans. Pendant 3 ans. C'était très, très difficile. Regardez l'épisode, l'événement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taïf pour les appeler. Il cherchait une sorte de protection. Et ensuite, les gens de Taïf lui ont jeté des pierres. Ils ont injuré le prophète en lui jetant des pierres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par des étapes très difficiles. Imaginez-vous après tout cela, lorsqu'il commence à avoir prospérité, lorsque Alhamdulillah, les gens de la péninsule arabique ensuite venaient en délégation, en masse, pour accorder foi au message du prophète Mohammed et embrasser l'islam. À ce moment-là, arrive un homme. Pour cela qu'il est dit opportuniste. Il n'est pas apparu à la période mécoise. C'est pour ça que les savants disent le faïda. Si vous regardez les ceux qui ont prétendu faussement et mensongèrement la prophétie, ne sont pas parus à la période mécoise. Et ne sont pas apparus dans la période très difficile. Que celui qui venait se disait prophète, alors il était combattu. Et le prophète, ils ont essayé d'atteindre à sa vie. Ils ont attenté à la vie du prophète, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont comploté, il y a eu des ruses à l'encontre du prophète, des complots et autres. Sauf qu'ils n'ont pas pu, il a été protégé par le créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants ils disent, observez, ceux qui ont prétendu faussement la prophétie ne sont pas apparus dans la période bécoise. Ils apparaissent à la fin. Quand, alhamdoulillah, après toutes ces difficultés, dans la péninsule arabique, toutes les grandes délégations, les tribus, ils arrivent, ils affluent vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tout commence à s'apaiser, et commence à avoir du butin pour les croyants à l'époque. Là, ils apparaissent. On a Moussaïd al-Kadhab, par exemple. Il apparaît. Apparu avant. C'est pour ça que les savants disent que ce sont des opportunistes. Mais, ici, cette allusion pour dire, est-ce qu'ensuite l'évocation de Moussaïd al-Kadhab, sa prétention a perduré? Personne ne le connaît. Si ce n'est les lecteurs, les talabat al-ilm, les étudiants en sciences, les ulamas, les gens un peu instruits, qui lisent un peu dans l'histoire et dans la vie du prophète. Sinon, les gens de la masse et du commun, si on leur dit Moussaïd al-Kadhab, connaissent pas. C'est qui Moussaïd al-Kadhab? C'est qui? Les gens connaissent pas. Il a prétendu, la prophétie. À l'époque aussi, il y avait un autre qui s'appelait l'Aswad al-Unsi. Al-Aswad al-Unsi. Al-Aswad al-Unsi aussi, personne, les gens ne le connaissent pas, à part quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui lit, mais sinon ils ne le connaissent pas. Il y a même une femme à l'époque qui a prétendu la prophétie. Et d'ailleurs, Moussaïd al-Kadhab, il l'a demandé en mariage. Il l'a demandé en mariage, et ensuite elle a accepté. Elle a accepté cela. Et sa dot, c'était l'allègement des prières. La dot pour le mariage. طيب et d'un noir c'est le noir Kamil inshallah. Donc comme il est mentionné dans l'histoire, donc déjà à la fin de l'ère du prophète sallam, certains ont revendiqué la prophétie et ont revendiqué, ont prétendu être prophète et messager. Comme on l'a dit, un homme qui s'appelait Musaylama al-Kadhab, il était appelé et nommé comme cela, Musaylama le menteur. Regardez, il a revendiqué la prophétie. On a dit à la fin de l'ère, on a expliqué pourquoi. C'était des gens qui étaient opportunistes. Mais leur message ne s'est pas propagé. Leur message ne s'est pas propagé. À l'époque, il y avait un autre homme qui s'appelait Al-Aswad al-Unsi. Al-Aswad al-Unsi, vous regardez, fait Kutub al-Tarikh. Aussi, lui avait prétendu être prophète et messager. Mais ça ne s'est pas propagé. Ça ne s'est pas propagé. Et leur prétention n'a pas eu d'acceptation et n'a pas eu de succès. De même, à l'époque, comme on a dit de Musaylama al-Kadhab aussi, c'est l'ère, la fin de la révélation aussi, c'est l'époque de Abu Bakr du premier, l'époque du premier calife. Il y a eu une femme aussi. Il y a une femme aussi qui avait revendiqué la prophétie. Elle se disait prophétesse. Et elle, ensuite, elle s'est mariée avec Musaylama. Et comme on l'a dit précédemment, parmi sa dot, c'était l'allègement des prières pour ses partisans. Et donc, ils se sont mariés, et lui prétendait la prophétie, elle aussi, elle se disait prophète. Donc, si vous voulez, comme des grands historiens et de grands savants, ils disent, regardez, ça c'est la fin de l'ère du prophète de la révélation. C'est lorsque, dans la péninsule arabique, les grandes délégations, on a dit, de grandes tribus de la péninsule arabique, affluent et viennent vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en accordant foi à son message, et pour embrasser l'islam. Donc, c'était un peu une période où là, il y a eu un soulagement pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, observez bien, c'est une très belle faïda, lors de la difficulté, les premières années, premières décennies à la Mecque, lorsque c'était très dur et très difficile, où là, les croyants étaient persécutés. Là, il n'y a personne qui est venu pour prétendre la prophétie. Personne. À la Mecque, personne n'est venu se confronter à Quraysh, aux polythéistes arabes, en disant « Je suis messager avec Mohammed, moi aussi. » Parce qu'ils savaient, là, c'était très compliqué. Regardez, les compagnons à l'époque qui rentraient dans l'islam, premières années, c'était secret, c'était très dur pour eux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a perduré, a vraiment patienté face à cette difficulté. Il a vraiment enduré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'à cette période-là, personne ne s'est prétendu prophète et messager. Mais qu'à la fin, quand les gens ont commencé à voir que ça prospérait, que si on peut appeler ainsi, le royaume s'étendait dans la péninsule arabique et autres, alors il y a eu l'apparition d'imposteurs qui ont prétendu la prophétie. Mais leur message n'a pas perduré. Leur message n'a pas connu de succès. Donc c'est pour ça que l'auteur, ce qu'il sous-entend, le succès de l'appel du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si celui-ci n'était pas véridique, il n'aurait pas pu se propager comme cela. Pourquoi ? Parce que ceux qui estiment le Créateur à sa juste valeur savent cela et comprennent cela. C'est pour ça qu'il dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ » ceux qui ont pensé, et ensuite on a cité la citation à cela. On va s'arrêter sur ça. وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلِي وَصَحْبِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ